Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. Je peux que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, risque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite, sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors. Comme d'habitude, j'ai froid, je relève mon corps, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Quand d'habitude, je veux même rire. Quand d'habitude, enfin, je veux vivre. Quand d'habitude. Et puis, le jour s'en ira. Moi, je reviendrai. Quand d'habitude, toi. Tu seras sorti, pas encore entré, comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai, comme d'habitude. Quand d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Quand d'habitude, tu rentreras. Quand d'habitude, je t'attendrai. Quand d'habitude, tu me souriras. Comme d'habitude.